Ladar. Le jour du jugement dernier est arrivé. Le châtiment de l'attente va t'encercler. Pour t'as fait des péchés et puis t'es serré. Tu vas crier quand l'ange va t'enlever. Le chétan te pousse un peu pour t'éloigner du paradis. C'est pour ça qu'il faut faire la hiérarchie. On est tous maîtres de notre cœur. Avec un peu de volonté, tu peux y arriver à te contrôler, à minimiser les dégâts. Si tu passes à faire des conneries, ne le fais pas. Je suis sincère, j'écris tout haut ce que je pense tout bas. On va revoir venir le jour où la terre s'arrêtera. La vie nous a maltraités. L'État veut nous baiser. Depuis petit on vit dans la chaîne des mandats dépôt direct au parquet. Les Schmitts ont la dalle. Ils rôdent la nuit comme des chauves souris. La faucheuse nous pisse. Nous on la regarde et on rit. Le chétan nous tient en laisse. On préfère délirer un bon coup que d'aller à la mosquée. Sa vie est une épreuve. Allah subhanahu nous a envoyé pour qu'on fasse nos preuves sur ce bas monde. Le jour où le tonnerre gronde, tu visualiseras tous les péchés que t'as fait. Ça va défiler dans ta tête. Pour ce jour-là, il sera trop tard. C'est reculé, ce qui est fait est fait. Avis à tous les mécréants qui minimum ne font pas le ramadan. Ils préfèrent se buter sous votre crève ou d'arnaquer le premier venu. Moi-même, j'ai volé un banc. Qu'Allah me pardonne et que la personne concernée me pardonne. Je vous l'ai dit, je regrette sincèrement. Rien pour ce que j'ai fait, je mérite un serment. J'ai grandi à Valmont, là-bas c'est tous mes frères. Je serai prêt à mourir pour l'un d'entre eux. Mon Dieu, donne-moi la force pour me concerner et d'arrêter tous ces péchés. J'en ai marre de me poser des questions stupides. On veut tous réussir dans cette vie. On veut tous nous placer au paradis. Mais quand le Seigneur te tient en laisse, mais qu'est-ce que tu veux faire quand la vie te délaisse? Ok, ce dog. Nouvel album de mes néphros. Le rap ma vocation. Nique l'État et les démons, regarde. On a la dalle, on vit de la France d'en bas. Ok, ce dog. Dédicace à Mehdi. Yes, sahbi.